C'est l'histoire d'un jeune étudiant, simple et sympa. Il aime le soir lorsqu'il est seul, il est sans pote et se plaint pas. 16 ans que X est discret depuis sa naissance. Disons que même les filles le fumaient, lui gardent le silence. Et si je parlais de sa famille, l'élément déclencheur, ses parents touchent un SMIC, ils ont l'argent et puis le beurre. Mais son père aime l'argent, il est très joueur. Il parie beaucoup, beaucoup de fric et pourrait miser sa sœur. Mais la vie est un jeu, tout dépend du hasard. La crise frappe à la famille, et c'est fait, c'est trop tard. Le daron reconnaît sa faute si la famille n'a plus rien. Il a pris ses distances et trompe sa femme en silence. Mais le père ne dit rien, il agit à coups de poing. La mère de X est battue et le pauvre X abattu. Il écoute et se maintient, il écoute et se maintient. Mais son père sort le magnum et puis a annoncé sa fin. Sur un bout de papier, il griffonne des lignes à n'en plus finir. Noie son chagrin dans les bars du coin, il finira ivre. Jette un coup d'œil dans le rétroviseur, mais il perd le fil. Une pression palpable qui le poussera vers le vice. La mère de X finit seule à nourrir son fils. Elle n'a plus d'argent et se retourne vers le vice. Elle offre son corps à des hommes qui l'insultaient, la frappent. Des clopes et l'enfume détonné, ça sent dans la porte. Le cancer vient la frapper, X est comme des armes. Une haine se nourrit de cette faiblesse, personne ne s'est alarmé. Au lycée, il devient vulgaire, il se fait virer. Et peu importe la manière, en rentrant dans son bloc, il voit sa mère faire son métier. Sa rage fut bien trop grande, elle magnum était à ses pieds. Par chance, il était chargé, la première balle est partie. Il a flingué le Yankee, c'est que le premier de la série. X est très vite parti, laissant sa mère qui était en train de pleurer. En repensant à son père, pour X tout est fini. Il en a marre de cette vie, il veut juste partir et a peur d'encore subir. Sur un bout de papier, il griffonne des lignes à n'en plus finir. Noie son chagrin dans les bars du coin, il finira ivre. Jette un coup d'œil dans le rétroviseur, mais il perd le fil. Une pression palpable qui le poussera vers le vice. Un simple coup d'index, ça suffit pour tout empirer. X est pris d'une rage que même le diable ne peut gérer. La seconde balle est chargée, il attend sa cible. Une femme est passée, la balle est partie. Qui sera la prochaine, qui sera la victime? X se demande pourquoi sa vie était si risible. Le buraliste qui a pris l'argent de son père vient de passer. Et X lui tire de plomb dans les artères, les sirènes sonnent. Le jeune est dépassé, l'adrénaline l'a fait devenir la chose qu'il dénonçait. Mais il regrette, il ne sait plus quoi faire. Il tire une cinquième balle au ciel, il en veut à son père. Sa mère est seule et pleure la folie de son fils. Il rentre au même moment et s'excuse de ce qui va suivre. Maman, je t'aime. Voilà ce qu'il répète. X se tire la dernière balle devant les yeux vides de sa reine. X a rejoint son père pour lui raconter ce que ces conneries ont engendré. Il pleure en cachette d'avoir laissé sa mère. Mais quant à elle, elle ne parle plus et prie chaque instant pour revoir un jour les deux hommes qu'elle a aimés. Voilà ce qu'est la pauvre histoire de X. Paix. Première balle, l'histoire est sombre. Des années passées qui d'âme tombe. Moi je veux voir la terre en paix qui se tasse pour graver ce qu'il est bon. Je me sens comme une allumette, rap de micro pour foutre le feu. Et des gaines le calumet pour l'armistice, yeux dans les yeux. Mais c'est vrai que je rappe trop peu, les critiques me font plus peur. J'avance comme si j'étais deux, toi tu te sens seul, mais ma plusieurs. Et les peurs se font ressentir, mais que c'est ça qui te met à mal. Mais quand la malle est pleine, c'est ton rire qui illumine tous les cœurs et cœurs et frères. Je rappe, c'est fluide comme un ancien. Et si je me rappe, tu sais la suite, tu karaoke, je m'en bats les reins, tu me connais bien mon pote. Y'a pas de haine et pas de jaloux. J'fais pas partie du game, j'suis venu kicker, pas jouer le voyou. Parce qu'on est plein, on tease des litres de polyakov. Et si la nuit c'est libre, tu passeras qu'après mes potes. T'as connu bien mon gars. J'ai plus de voix, j'ai mal au mic. Les MC j'en fais des tailles. Plus je les vois, plus je veux les grailles. Roule ta paille et donne un verre. Qu'on se mette bien qu'ils finissent vert. Tu joues la paume, il se reste à terre. La ville entière, c'est où tu traînes. J'en ai vu des gars sombrés. Dans la drogue, elle est cachée. Ouais, laisse-moi nous rassembler. Faire du bien aux rescapés. Ouais, laisse-moi nous rassembler. faire du bien aux rescapés. J'en ai vu des gars sombrer dans la drogue, les cachets. Mais ce que je veux, c'est d'éviter, démontrer qu'on s'est rappé. Mec, t'es naze ou enfumé, demi-heure de scène était claquée. Avoue que tu nous as trompés, t'as rien fait, tu t'es dupé. Je vois que des moutons dans leur pré, même pas prêts à se démarquer. Et la ville t'a dénoncé, puis tout petit t'es cadenassé. Enfermé dans une éthique, à tout faire comme le refrain. Tu veux tous les épater, tu veux toutes les épater. Mais mon frère, t'as tout gagné, la daronne pleurait, c'est raté. Seconde forme la plus puissante, premier repé, j'en fais descendre. Le flot t'étonne, je reviens en force, je suis venu grimper par redescendre. Laisse-moi faire des prises de voix, rien à faire, des prise de masse, votre capture c'est le vrai visage ou comment faire tomber les masques. J'ai ma place et j'en suis sûr, je fais du rap, j'aime pas des pulls. Rentre au palace, fume la pure, tu fais un mec, même pas des tubes. On avance quand tu recules, on dépense quand tu peux plus. Bien sûr mec, t'annonces c'est loin, toi tu stagnes, moi j'évolue. Toi tu stagnes, moi j'évolue, l'époque des rames est révolue. Le rap s'écoute et le rap élu, la tête de moi je touche pas les. La tête de moi je touche pas les. Je reste un, joue pas de la pute, je targue à rien sur sa monture. Mais laquelle? Et on avance quand tu recules. On dépense quand tu peux plus. Bien sûr mec, t'as non c'est loin. J'ai dit que t'es chaud et tu l'as cru. Ha. Thanos. Deuxième EP. Ferme les yeux. School Ben. Ok, la 25e, on est toujours là. Wow, ma voix elle est super forte. J'avais l'impression que j'étais Barry White. Bref, on est dans l'émission spéciale Thanos ce soir. Yes. Donc je le répète, qui a fait la route, qui est là avec nous, avec toute son équipe. Donc big up à vous déjà d'être toute venu l'équipe. D'avoir fait le déplacement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'en parlais avec le poteau. Voilà, hein, nous on fait tout. Un peu second degré, tu ouais, connais. Ouais, c'est cool. Tu vois, il y a rien cool. de y a ça rien change. De voilà, il y a rien ça de change. Méchant. Tranquille. Nous on est juste pas toujours très sérieux, tu vois, donc on préfère faire des émissions un peu comme ça. Ouais, ouais. Plutôt que trop se prendre. Non, c'est bien, ça change. Ça permet de voir les bails d'un autre côté et tout, c'est bien. Yes. C'est bien. Donc on était dans la rime facile. Ouais. Donc je rappelle aux auditeurs, on t'a imposé 10 mots. Donc je te redis les mots en passant. C'était Thanos, Ball, Fly, Portugal, Grand Charmon, Moine, Lettre, Graine, Avengers et Freestyle. Yes. Alors qu'est-ce que tu as pu nous faire? Je crois que j'ai tous les mots. Là-dessus. Alors ça fait... C'est pas tous les mots à la suite hein, quand même. Non. Pourquoi pas? Ça fait Thanos Nosta Bang, la rime facilement graine. Je tire des balles en freestyle et ça je le fais sans peine. Le bail c'est fly, si je maille, je taille au Portugal. J'acquaisse, j'abrège, je m'accaille. La lettre est claire, si j'ai les pièces, j'achète la thèse des Avengers. À grand char, la bine fait pas le moine et tu connais les mœurs. Les mœurs. Les mœurs. Yes. Ouais, nickel. Normalement, franchement, c'est bien. Hein. Ouais, franchement, c'est bien. T'as, je sais plus combien de temps t'avais peut-être 7 minutes, je crois, pour écrire. Ouais. Donc, bon, quand tu me dis que t'as mis plus d'un an là pour faire des projets, en fait... Là, en vrai, là, t'es chaud, hein. Ouais, ça va. Est-ce que t'as envie qu'on balance le freestyle maintenant ou je te laisse un peu souffler, je mets donc, la dernière balle de Fly. Ouais, dernière balle parce que c'est un morceau que j'affectionne particulièrement. S'il y a le temps. Ouais, bien, t'inquiète, y a le temps. Et puis après, ouais, quoique, ouais, balance le freestyle, c'est bon. Vas-y, balance le freestyle. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Hein? T'es assez changeant. Ouais. Non, parce que non, vas-y, mets le freestyle. Je suis chaud. Ah, il est chaud. Donc, on va passer dans la session freestyle directement. Attends, je vais retrouver tes prods et puis j'envoie direct. Donc, ceux qui veulent freestyler, les gars, n'hésitez pas à vous mettre autour de la table. Woldy P. Qui rappe déjà Y a Woldy P. Prenez un casque, mettez-vous à l'aise. Si vous voulez vous lever, vous levez, etc. On est toujours dans la 25e jusqu'à minuit. À suivre, juste après, il y a DJ CK qui est passé par là, qui est venu avec ses platines, il va nous faire un petit mix. Mais avant... On passe dans le freestyle avec Thanos. Yes. Thanos. À ton méga. C'est la 25e, mon pote, t'inquiète, on est chaud. La 25e. À ton méga. Y'a Dooms, y'a Balico qui n'ont pas pu être là, les gars du Hand. Hélène, t'as capté. Yes. Hey. Dernière balle, histoire est triste, nos terres se font cramer vite. Il faut que je parte loin comme visiter le Malawi. Pourquoi tu parles du rap, pourquoi tu parles des banlieues? Tu connais quoi tout ça à part ces clampins sur France 2? Tu viens, tu parles, tu fais tout pour la monnaie. Tu prétends pas vendre ton âme et ta menotte à tes poignets. J'irai jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Là-bas y'a pas Satan, c'est ce qu'on m'a dit à ce qu'il paraît. À qui tu parles, ton allocution est minable. Je ne vis que de partage, si t'es seul viens à ma table. La balle est dans ton coin, mon seul conseil c'est ferme les yeux. Le troisième œil se montre quand t'en as cru. V2, mon vieux, des meurtres et des caprices ont fait l'esclavagisme. J'écris ce texte dans pyramide, j'esquive les extrémistes. Ils vendent des clopes, dope le cancer, mais qui sont-ils? Les mêmes qui vendent l'alcool et puis nous traitent d'alcooliques. Entre fric et méchanceté, nos relations deviennent malsaines. Je venais juste chanter, j'ai fini par cracher mes peines. Peu à tous, voilà ce que je dis, voilà ce que je pense. C'est la puissance de l'amour face à l'amour de la puissance. Et combien seront là à ma mort? Cette question m'arrache l'esprit et met du drama au décor. Mais bon, mon pessimisme, lui m'aura au moins servi. Si j'ai pris la plume, c'est pour contrer mes insomnies. Décalé à 4 du mat, zoné dans les ruelles. R.I.P. à cet artiste qui chantait la bohème. Mais le thème c'est ferme les yeux car la vraie vie a deux oreilles. La vision devient factice, pas le chant des sirènes. J'arrive en Batmobile, je veux tous les épater. Quand je rappe je suis trop tranquille, les traites n'oseront jamais me planter. Tu parles petit, je questionne où sont les gros MC. Je vois que les yeux se questionnent, bah ouais leur a pas bien grandi. Qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai tout fait? Qui dira que je gère quand j'aurai tout plaqué ou quand j'aurai tout ken? Les femmes je les aime mais j'en ai déçu, c'est triste. Dieu me le rend, j'ai jamais eu celle qui va bouleverser ma vie. Hey ya, tu parles de maille, tu gagnes un smic, c'est crade. On a tellement de mal à vivre que mourir devient plus simple. Il faut que je me taille, la France me désespère sévère. J'ai des cicatrices d'automne qui se refermeront qu'en hiver. Mais j'ai pas fini. La prod, je la massacre sans artifice. Non, facile, pas docile. La vie nous prend cash pour s'y paralyse. C'est pile la sensation qu'on a. Je lève mon troisième doigt en l'air pour toutes les vies qu'elle nous a prises. Première balle, histoire est sombre. Des années passent, des kidames tombent. Moi, je veux voir la terre en paix qui se tasse pour graver ce qu'il est bombe. Je me sens comme une allumette, gratte le micro pour foutre le feu. Et dégaine le calumet pour l'armistice, yeux dans les yeux. Et c'est vrai que je rappe trop peu. Les critiques me font plus peur. J'avance comme si j'étais deux. Toi, tu te sens seul, même à plusieurs. Ouais. Et les peurs se font sentir. Mec, c'est ça qui te met à mal. Mais quand la mal est pleine, c'est ton rire qui illumine tous les cœurs et curé. Frère, je rappe ces flûtes comme un ancien. Si je me rate, tu sais la suite, tu carres au qui je m'en bats les reins. Tu me connais bien, mon pote. Y'a pas de haine et pas de jaloux. Je fais pas partie du game, je suis ni kické. Pas je le voyou, pas son nez plein en tease. Des lits de Polyakov et si la mise est libre. Tu passeras qu'après mes potes, t'as connais bien, mon gars. J'ai plus de voix, j'ai mal au mic. Les MC, j'en fais des tailles. Plus je les vois, plus je veux les grailles. Roule ta paille et donne un verre. Cosmet bien qu'ils finissent vert. Toujours la bombe, il se reste à terre. La ville entière, c'est où tu traînes. J'en ai vu des gars sombrer. Dans la drogue, elle est cachée. Ouais, laisse-moi nous rassembler. Faire du bien en rescapé. Seconde forme la plus puissante. Premier EP, j'en fais descendre. Le faux t'étonne, je reviens en force. Je suis venu grimper par redescendre. Laisse-moi faire des prises de voix. Rien à faire, des prises de masse. Votre capure, c'est le vrai visage. Ou comment faire tomber les masques. J'ai ma place et j'en suis sûr. Je fais du rap, zinc pas des pulls. Rentre pas là, se fume la pure. Tu fais mec, même pas des thunes. On avance quand tu recules, on dépense quand tu peux plus. Bien sûr, mec, Thanos est loin. Toi, tu stack, moi j'évolue. Bang! Hey, Thanos, il est chaud. J'ai envoyé la puff direct. On est là dans la 25ème, mon pote, jusqu'à minuit. Chaud. Thanos, nosta bang. Thanos, nosta bang. Hey, pourquoi t'es joué comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Les gens, ils étaient tout calmes. Oh là là! Échange de snap en plein freestyle. On est là, Thanos, émission spéciale ce soir. Ouais, c'est mon snap, c'est pas Thanos. Ouais, c'est Thanos. Ouais, à l'aise. Ça, c'est sans, ça s'échange les snaps. Big up. 25-2, double 0, Thanos, nosta bang. Thanos, nosta bang. Hey. 25-2, double 0, Thanos, nosta bang. Thanos, nosta bang. Grand charmant dans la maison. Ta célébrité, j'en veux pas. Juste laisse-moi rapper. Pourquoi tu parles quand tu ne sais pas? Mon enfance était vaine. Nos pensées nous font mal. L'impression d'avoir tout raté. Me suis pas, j'ai la balle. Fais confiance, vais la cadrer. Où est passé ton esprit? Pourquoi tu l'as fermé? Toutes les balances sont vesquies. Je suis mon seul allié. Ouais, ouais, ouais, ils nous ont menti. Je suis déçu et avi. Des trahisons viennent d'amis. Depuis ma haine a grave grandi. Wouh! Ouais. Pourquoi ma colère est née dès ma naissance? Hein? Pourquoi depuis la guerre je n'ai plus de chance? Quoi? Parle-moi face à face. Allez, vas-y, viens. Viens. Tu racontes des mythos, sale politicien. Rien qui veulent ma baate. Ça me fait de la peine. J'en ai rien à baate. Je ne pense plus à la veille. Gros, plein m'écoute mais qui me compte prends, tu parles monnaie, moi content. J'ai les sentiments rouges, sang. J'suis en cours, j'écris mes morceaux. Tôt ou tard, je reviens d'en dessous. Toujours clean dans mes propos. Dans le rap, mec, tu te dissous. La solution, où est-elle? J'en connais qui sont les civés. Tu te prends pour roi soleil, t'as la place de l'écuyer. Ton talent, c'est de cuiter. Crie gros si le jack passe pas. J'cours, mec, je viens filmer. Et ta goga, c'est chapaille. Yeah, yeah. La nuit porte conseil, mais je ne dors plus. Non. J'attends jour de paix. Paye. Comme résoudre l'irrésolu. La nuit porte conseil, bien sûr. Mais je ne dors plus. Tu dors plus. J'attends jour de paix. La paye. Comme l'amour inattendu. 25-2-0-0, Thanos, Nosta Bang, Thanos, Nosta Bang. Bang. Thanos, 25-2, Hoti. Yeah. On switch. Yes. Thanos, la 25e émission spéciale, mon pote. Yes. Big up à tous les auditeurs. La popo, c'est un inédit ça, c'est pas sorti encore. Popo. Yeah. Yeah. Hey. Pourquoi la vie m'a blessé si tôt? J'tournoie dans le bois, la potion sera sans sirop. Ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau pour les épater. Et c'est eux qui, 3 ans après, veulent collaborer. C'est des traîtres, c'est des fous. Sur ma vie, j'ai le dégoût, j'ai les traits d'Itachi. Passe l'hiver dans Genjutsu et je les vois qui m'observent. J'ai le doigt qui se lève. Si tu crois plus en moi, je ferai du sale à tes obsèques. Et les mecs, pourquoi vous m'appelez quand y'a nouveau clip? Où êtes-vous? Quand en bas du bloc, je crie de toutes mes tripes. Qui es-tu? Qui est-elle? On se connaît pas, qui es-tu? Je fais des vues, donc la meuf pense que je fais v'là les thunes. Où es-tu? J'ai perdu celle qui me faisait avancer. Je vis d'un fût, puis une taille, mais la muse n'est pas entrée. Et je m'amuse à gratter des textes, je veux pas m'enlacer. Je prends ma plume dans les drails toute la nuit. On va s'enlacer, bang, je reste le même, je reste à sec. Je suis tellement loin, mais je suis vrai. Qu'on dirait, gros, que je suis tout prêt. Je vous méprise de toutes mes forces, j'ai plus de temps à accorder. Comme l'impression de parler morse quand je crie de l'aide à mes refrains. Ils m'ont perdu depuis longtemps. Ma vision devient plus noire. Et dans l'urne, voter blanc. Ouais, dans l'urne, voter blanc. Et ça depuis la nuit des temps. Frère, si Marine passe un jour, tu verras Marianne sans ses dents. Bouh. Dans la potion, j'ai mis plein de substances. J'aime la France, donc je lui fais sa fête. Le bail est chaud, donc je te surprends. Tu me rends dingue, ma belle, avec tes tresses. Ouch, ils m'appellent, ils sont pleins au ciel, ils sont pleins aux as. Mais 21 vient pour les dépouiller. Hey, on nous apprend jeunes à nous apprêter pour des braguettés. Je veux pas me répéter, je reviens tout péter. Boy, je suis pas dans le cercle, c'est con. Pourtant j'ai flow carré, que du sky dans flacon. Ils étaient pas parés, pourquoi toi t'as parlé? Siroté, t'es pas prêt, fallait pas siroter. T'as fini par ramper, Elga t'a piloté. Tu viendras pas pleurer, HIP, HOP, bang. On nous apprend jeunes à faire du B9. On nous apprend jeune, tu vas pas me la faire. Pousse, pourquoi tu pars quand t'es plus dans le confort? Je fais pas le million grand, mais je reste plus fort. Stressé, t'inodore, prends la porte comme odor. Pensez le bruit quand t'es mort. Désolé monsieur l'agent, mais c'est pas moi qui vends. C'est pas moi qui ai l'argent. Pourquoi tu m'accuses moi? Parce que je fais RAP. Mais t'as tout raté, comment t'as tout raté? Combien de coups t'as trop mis aux innocents de Paris? Mais t'as tout raté, comment t'as tout raté? Combien de coups t'as trop mis aux innocents de Paris? Aux innocents de Paris. Thanos. Hey. Dans la popo, j'ai mis plein de substances. J'aime la France, donc je lui fais sa fête. Le bail est chaud, donc je te surprends. Tu me rends dingue, ma belle, avec tes tresses. Dans la popo. C'est la potion. Yes, la 25e. On est chaud, mon pote. On est là. On écoute. La 25e. C'est un deuxième inédit, celle-là. Prépare deuxième tête. Yes. Prépare deuxième tête qu'on se mette bien. Deuxième tête qu'on se mette bien. Prépare deuxième tête qu'on se mette bien. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Je visite vitrine d'Amsterdam. J'ai quelques potes qui détaillent. Non, moi je fume pas la verte. Je finis toutes les tailles de Sky. On est sombre, on est plein. J'ai les cornes à Belzébuth. Rappé propre, on est bien. Je vais skier toutes ces sortes de putes. Maçonnerie t'étonne. 33ème c'est hors norme, 22 bougies sur le corps, bientôt j'ai boutique offshore. Allo, allo, tous ces porcs viennent pour demander des dettes. Alors, tous ces porcs viendront juste manger les miettes. Je suis Zepoa, Konoha, là y'a tous mes nakama. Navré pour vos katanas, on a les jutsu, les kata. Katarina, Akali, je suis dans le jeu, je fais les dégâts. Je suis à New York, à Bali, postiché avec mes gars. Prépare deuxième tête qu'on se mette bien. Deuxième tête qu'on se mette bien. Prépare deuxième tête qu'on se mette bien. Deuxième tête qu'on se mette bien. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. J'fais les ronds comme Audi. Bientôt je reinerai comme Gédéon. Mes ennemis sont bien moins bons, sinon ils seraient dans mon équipe. J'donne la main, on prend le tout. T'es Katsuki, j'suis des coups. J'suis la comète qui frappe le sol. T'es la pommette qui prend les coups. L'homme honnête finira seul. C'est le miroir qui rend les coups. Quand les ficelles sont camouflées, seul le pantin peut en découvrir. Voudrait tout à coup, tout assis, tout ça court. L'avarice pousse à bout, cannabis dans la bouche, tu lapisses fort, tu fais la cour. Et j'avance, j'ai plus peur de tout cramer. Ils me prennent pour animal, frérot, je vais tout manger. 2019, c'est mon année, mon rinté. Barillé plein, je vise la cible. Hey, hey, deuxième tête qu'on se mette bien. Prépare deuxième tête qu'on se mette bien. Deuxième tête qu'on se mette bien. Prépare deuxième tête qu'on se mette bien. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Prépare deuxième tête qu'on se mette bien. Deuxième tête qu'on se mette bien. Prépare deuxième tête qu'on se mette bien. Deuxième tête qu'on se mette bien. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Hey, hey, hey, hey, laisse-moi la place, vais viser le cadre. Je fais pas la passe, je veux winner le match. C'est pas d'aujourd'hui que le monde est sale, des bâtons dans les roues, mais j'ai su les vaincre, j'ai déçu des femmes, vécu des drames, j'ai voulu m'éteindre, j'ai vécu les squares, je mise tout, j'ai les crocs, j'ai l'envie et j'ai l'âme, j'ai skin, j'ai les rouges, j'ai la maille et la rage à gars. Parle-moi bien, frérot, on me parle pas. Tous tes péchés te rattrapent, c'est le karma. Je suis dans la hurle, mais je suis pas un ska. Là, je m'occupe de tes proches. Deuxième tête qu'on se mette bien. Prépare deuxième tête qu'on se mette bien. Deuxième tête qu'on se mette bien. Prépare deuxième tête qu'on se mette bien. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds comme Audi. Bang, bang. Thanos. Fais les ronds. Fais les ronds pas. Fais les ronds comme Audi. Fais les ronds. T-H-A-A-N-O-S. Et là, c'est le tour à Wooldy P. Yes, yes. Wooldy P. Yes, Wooldy P. Dans Benoît City. Yes, dans Benoît, frère. Mais si t'as l'occasion, viens, on va au cas. Je suis à la case, départ, mais pas au lit. Dis P, je me voyais photo à Sand, pas au lit. Time, où y'a que les diamants qu'on poli. Je suis maniaque, les puants, je les nettoie avec folie. Tu vis noyade pendant que tu bois mes lyrics. Y'a plus d'espoir, tout est noir comme mon iris. Je suis ma bête noire, mes poils se hérissent. Quand je me regarde dans le miroir, mes yeux se plissent. Écoutez mes cieux, je rêve de mes cieux et de mes cieux et de ma silla et de Sicile et de Sivilla et de grandes villes et de Bercy. Je rêve de merci. Mon rap est assaisonné. Pas besoin de persil. Si tu veux me raisonner, pas la peine, je souris. Je répète, mon rap est assaisonné. Ouais. Pas besoin de persil. Non, si non. Tu veux me raisonner, pas la peine, je souris. Yeah. Mon rap est assaisonné. Pas besoin de persil. Dans ma vie, j'ai zoné. Les 4 saisons, je me perdis. Je suis passionné par la musique. Passionniste, je reste lucide. Passionné 2 sur 6. Litre de substance liquide. J'ai déjà eu des raisons de virer, mais je l'ai pas fait. C'est pas fait. Si je te vois passer dans ma rue, j'irai te baffer. Bah non. Si t'es con, je me moquerai de toi comme Laurent Baffy. Parfait, je suis ravi. Je te bluffe, je te mets tapis. Ta pète, je te mène à la baguette. Je te claque sur un coup de tête, un peu comme ma canette, un peu comme un galérien. Je te fais que ça, je m'en bats les reins. Je te fais que ça envahirait le succès axé dans mes mains. Dis-moi que tu m'aimes un. Si c'est que ça a pas d'excès. T'imagines en pixel, avec tes formes sexy en XS. Tu me fascines en ivresse, on se caline, t'es une tigresse. T'es maligne et en vitesse, je te taquine. Ya, pour toi j'ai tout le time, je suis court. Toi, mais je reste high, mais pourquoi entre toi et moi il existe ce genre de vibe. Tu me fous droit dans le redroit, c'est un coup bas. n'est pas un garçon, fait l'effet d'un coup droit. Tu me fous droit, droit dans le regard, c'est un coup bas. Ce n'est pas un garçon, fait l'effet d'un coup droit. Mon rap est à ses données, ouais. Pas besoin de percer. Non. Si tu veux me raisonner, yeah. Pas la peine, je souris. Non. Mon rap est à ses données, pas besoin de percer. Si voilà. Tu veux me raisonner, pas la peine, je souris. Hey. Woldy P. Woldy P dans la maison, 25e. Merci mon ref. Ça vient d'en Benoît. Merci les gars. Grand Charmant était dans la place, dans Benoît. Yes. Était dans la place. Ouais, Woldy P, ça fait quelques mois qu'il commence à écrire tout ça. Et je pense qu'il y a moyen, tu vois, si yes. Il vient dedans et tout. Eh ben écoute, avec plaisir, de toute façon, la porte est grande ouverte. Merci, les gars, si vous voulez revenir, ramener des gens. Yes. Ouais. On est là, de toute façon, tous les jeudis. Ouais, je suis chaud. Je voudrais juste faire une petite dédicace à tous les gens qui participent au projet. Tous les beatmakers, que ce soit Uton Beats, Black Mayo, Insomnia Beats, PB Orleans, tout ça. Tous ces gars-là, Hélène qui a fait tout ce qui est cover, Mathieu qui fait aussi les clips. Parce que je suis passé par Mèche pour le premier clip, mais les deux autres clips, c'est Mathieu Iborra qui les a fait, c'est un gars de ma classe. Ok. Qui a un talent fou dans le milieu. Donc merci à tous ceux qui ont participé au projet, au studio Milomi, tout ça. Voilà. Big up, big et up. Merci à Radio Sud, c'était cool en tout cas. Ouais, on a bien rigolé. Mon ref. Bien l'eau. Joué, bien joué. L'eau. Émission spéciale Thanos ce soir. Il y a du monde dans les studios, on a tout eu, on a eu des appels cagoulés, on a eu des gens qui arrivent et ils disent Mike 25 000, ajoutez Mike 25 000 les gars. Il y a Woldy P qui est avec nous, il y a tous les refs qui est avec nous. Ah, merci à tous les potos qui sont venus aussi, Oscar, Routy, Andrea, merci Walid, les mecs. Sa copine Fanny. Merci beaucoup. On va faire une mini coupure de peut-être une minute le temps que DJ CK il s'installe et puis on va finir avec DJ CK tranquillement. Ok, vous êtes toujours dans la 25e, ne quittez surtout pas, ça va être chaud les mecs. Ce soir je me mets, mais là pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres, où tu changeais de visage? C'est pas que des belles histoires, je passe plus dans les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, hey. Radio Sud. When I was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? A bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know. Bye-bye. And I can't change. Bye-bye. Even if I tried, even if I wanted to. I was

Radio Sud. Besançon. Besançon. 101.8 FM. DJ Seka dans la 25e, les Ray, on est chaud, t'inquiète pas, on est parti. Oh, je me présente, Molotov. Undercover, le micro chauffe, appelle-moi Mr. Over. Moi j'innove, depuis Radio Nova, sur un son qui groove, qui va raser ta. DJ Seka, appelle-moi Mr. Over. Moi j'innove, depuis Radio Nova, sur un son qui groove, qui va raser ta touffe. Pourquoi tu l'ouvres? Quoi, qu'est-ce que tu me prouves? Ta carrière je crève, comme un Aquanikov. Vas-y tu me couvres, braquage sur un convoi. Mon flow dans ta cove, j'attends que ça les achève. Le son t'achève, danse comme un cheval. Ici pas de philosophe, ça rêve à trop de œuvres. Vas-y j'ouvre, ça rêve n'est pas l'œuvre. Bouge la tête des youvres, les bourgeois deviennent ouf. J'ai 8 de pauvres, ça vient de les sous-bois. Pas de son parler de bois, j'parle pas la langue de bois. C'est Rouskov, c'est Négal au Tamba. Yes, on commence comme ça, tout tranquillement. C'est moi-même, DJ Seka, avec toute l'équipe. On est là, c'est la 25e image. Bro! J'ai nagé le crawl. Pourtant son mec vient me check de l'épaule. Si je suis au sol c'est que je tapais des pompes. Je consulte mon solde, je règle mes comptes. Eh hey, ferme ta gueule, journal télévisé. Le monde entier s'est fait déchiser. J'ai un gros nez, je suis immunisé. Mon cerbère cinéro némésisé. Je balance ma piste sur les Champs-Elysées. Trop dépensé, je sais plus ce que je disais. Je vais dans le nique ta mère la pute. Faut que ton 2000 le salaire rebrousse. Je suis dans le texte d'Amso, DMC, sabre laser, Skywalker, Luke. Je la prends le bras, elle crie par la fenêtre. Lubrifiant pépère, senteur musc. Ils montent des sauts dans la haine, je médite. À l'hosto, je me faire sucer par Gwen Meredith. Joue comme Bilbao, je peux faire que la diff. Le rap prend ses KO en un seul fils. Bruxelles, Bruxelles, V. Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles, V. Bruxelles, Bruxelles, V. Tous les jours, je roule un plé. Douce et doux, Gordon V. Bruxelles, Bruxelles, V. Bruxelles, Bruxelles, V. Tous les jours, je roule un plé. Douce et doux, Gordon V. Je me sens au-dessus des autres comme une kippa. Je crois ni en l'amour, ni en vita. Je creuse les cartes comme les cuisses de Nikita. Si t'aimes pas, c'est que je rappe ce que tu ne vis pas. Après coup de feu, prière, il récita. Trop balèze, donc le négro palpita. Les émirats n'ont que faire ta visa. Tout comme le rap n'a que c'est comme ça, ça se passe comme ça sur la 25ème. Enfonce pas tranquille, coup de feu, je n'ai plus peur. Je partirai jamais comme la tâche de Jean-Louis Crashman dans les 12 coups de 12 heures. Baroudeur vie, oui, je suis un voyou. Je suis un grisoli, tu n'es que balou. Tu bouffes chez balou. Tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou, tu bouffes chez Balou. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Viens me bouffer d'oxygène dans la couche. Le vide, tu restes sur la bonne. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch, tu me tournes les deux mains. Photo dans la pagaille, bientôt. Comme moi, quand mon aura fait mouche. Allô, la terre ici, y'a pas d'eau. Je loue comme un son de franc-maçon. Ils sont-ils vraiment à donneau? Avant Dieu, y'a rien de toutes les façons. Agathe, tout est beau. J'fais le show. Lâchez dans le dos. Et on fait tourner ça sans la couche. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Dans le vide. bitch ira sur Havana. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait les deux mains en photo dans l'appareil. Bientôt, comme moi, comme mon nom. Versus. Ouais, vous êtes toujours là. Original Big Bang Song. Ah, c'est la 25e. Ouais, ma gueule. La vie, c'est Bélo. L'album aussi. Lunettes tâtées, phares et non, vitres tâtées. Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris. Farc et non, vitre teintée. Bender, j'partais au charbon. Oui. Les biches portent blindées. Oui. J'ai encore la dalle, j'suis pas gaffe. Oui. J'charbonne toujours les mains de côté. Oui. J'charbonne toujours les mains de côté. J'volais le goûter des enfants gâtés. Ah, oui, oui, oui. Elle prend pas le cul, elle veut pas se régater le couteau. Bendo, non, bendo. Tosse comme un charron. Oui. Petit, mini saloguéton. Mini saloguéton. Donne-moi le tarot. J'vais pas trace pas, t'es vraiment parent. Ouais, t'es vraiment parent. Paris Saint-Germain. Ouais. Et bendo. M'as tu dit charron. Maintenant, t'as même le taros. On paye pour qu'on t'arrose. Rafiken t'es et la parole. Rafiken t'es et la parole. On t'a niqué, toi t'as planté. Plan A, je vais plomber. Ou comme la bœuf, je vais planter. Seulement, je commence allemand. Moi tu dis rock. On a la talement. Tous les gars ils sont chiants. DJ CK. Allemand, allemand, allemand. Tu tires apparemment. Allemand, allemand. Tu fais ta cour allemand. Allemand, allemand. Pourquoi tu cries mon grand? Vas-y prends un calmant. Auto, je suis jumbe. Pour tous les frères qui tombent. Et moi c'est sombre. C'est pas que je bombe, mais mes frères c'est mon nombre. Je suis barbu, je pose pas de bombe. Je veux pas faire dans ma tombe. Y'a pas de Zeyo, donc je le braque. Pour Bendo, il est con, y'a la bague. DJ CK, motherfucker. Yes les gars, choc c'est chaud. CK, CK, ambiance nous ça, ambiance nous ça. Envoie la sauce. Yeah. Mes frères ont tous fait l'heps. Aucun de n'a fait l'hej. Il ne reste que de liasser d'hej. Baiser les tasses, les tèj. Ton album me fait yesh. C'est pas de la gueule, c'est lèche. J'm'endors à 6 du sport. C'est à 12h que j'émerge. Mes frères ont tous fait l'heps. Aucun de n'a fait l'hej. Il ne reste que de liasser d'hej. Baiser les tasses, les tèj. Ton album me fait yesh. C'est pas de la gueule, c'est lèche. J'm'endors à 6 du sport. C'est à 12h que j'émerge. L'eau sans le gang est frais. L'eau sans le gang est frais. L'eau sans le gun est frais. Forcément le gang est frais. L'eau sans le gang est frais. L'eau sans le gang est frais. L'eau sans le gun est frais. Forcément le gang est frais. Je roule en direction du nord. Blonde à ça la place du mort. Je suis au bon char pendant que tu dors. Protégé par mes anticorps. Tu fais le picra vers ta vente des vies. Mais t'es qu'un yanclité dans le déni. L'eau sans fait pas critique que nenni. Paye cachou nique toi et nenni. Pas de trop blague, pas de pro rebeu. Les KRX que toi sont multicolores. DJ CK dans la face, yeux bleus. 3 pouces à l'argent et d'inodore. Plan pif, dis-moi où est l'air fixe. Pour dormir, je compte les putes et leurs fils. Parfois, je fais appel aux escortes. Parce qu'après la bézelle des guerres puissent. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace négro? Y'a des vaisseaux qui se vaisseaux. T'es officiel sur tes réseaux. Mais dis-moi, t'es qui putain de tes os. Dis-moi, t'es qui putain de tes os. CK enchaîne sur la critique et mon gars. Nous sommes que des maîtresses. Rien n'est au hasard, frère. Donc j'ai ken la voisine. J'ai ken la frère. Donc j'ai ken la frère. Donc j'ai ken la frère. Le maître de cérémonie, gros, c'est ouais, que je me fasse torcher d'une vie de rêve. Va voir des éléments nord comme du marbre du fer forgé. Combien de fois, une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il est en train de DJ Seca. Pour que les cafés empêchent de manger, leurs bras longs 20 cm, on rompt, t'inquiète. Moi, j'ai confiance que ma parole est mon manche. À Hollywood et je mange des pancakes. Staff à l'iPhone, les hommes, c'était beau, cave à ton cap, on a fait des banquettes. Comme mon nom ressort une fois, deux fois, bah ils font des enquêtes. Quête, quête, quête, dans le studio, vous parlez de moi. Ils aiment faire passer pour un autre. Sa fils de pute, tu sais que j'irai bien le terrain. Que je passe des week-ends sur un yacht. Y'en a beaucoup à qui j'ai rendu des services alors qu'ils étaient petits. Donc, alors comme ça, la crime s'est fait braquer à Besançon. Avec les ennemis, la crime. Ce que tu dis vaut des bijoux. Fais gaffe à qui tu parles. Après me faire la bise sur les joues. Petit va tomber et une balle. Ce que tu dis vaut des bijoux. Fais gaffe à qui tu parles. Après me faire la bise sur les joues. Petit va tomber et une balle. Ils me disent. Ils me disent. Ils me disent. Ils me disent. Ils me disent. Ils me disent. Ils me disent. Ils me disent. Ils m'ont dit répond, te laisse pas faire et les gens t'aiment. J'leur ai dit c'est pas la peine. Et puis la route est longue, très loin de l'éther le soleil. J'leur ai dit j'ai pas la peine. Quand on regarde des gens contre, le simple fait que tu m'aimes. Te demande pas à qui

qui fera plus le coup du patron. Qui fera plus le coup du patron. Le cul d'Araki comme Obama. J'mate le cul d'Araki. J'mate le cul d'Araki comme Obama. Ouais, j'mate le cul d'Araki. J'mate le cul d'Araki comme Obama. Obama, Obama, Obama. J'mate le cul d'Araki comme Obama. Comme Obama, Obama. Là pour vendre la pure, nique les puristes. Prends une ligne, étudie. Suce ma bitch, top des tulipes. Un poulet braisé avec du riz. On rafale toute la place avec Yuri. Hop hop, petite pétasse, mais c'est du rite. Des points dans les culs, des points sur les i. On a grandi dans les chaudrons du pays. Produit dopant dans les urines. Trouve pas ma voix dans les urnes. Les autres soient sûrs qu'on les surine. On transforme un bœuf en légumes. J'suis jeune et maigre avec du bif. Plus de bif, du gros bif. Le gros martini à l'apéro. Ensuite j'te mets une olive. Ramène plus de matos pour nous éliminer. Ça chauffe comme la terre promise. Ouais, mon gars, t'es toujours sur la 25ème. On est là, les gars. DJ CK, on voit le son. Maintenant c'était du French. Maintenant c'est Rico, mon gars. Et c'est parti, CK. Hey man, I don't know what done happened, I guess y'all must have caught amnesia in my absence. I ain't been gone that long, have I? Well, just for your reminder, how about the crown meet the throne right here? Let's get it, call me T-I-O-C-P-R, I'm killing shit. Even in prison, I'm still the shit. Better recognize king in the building, bitch. Act like you know are you serious. I, my ankle hurt. Don't buy a car if I ain't the first. In the country with it, 1, 2, 3, bitch, two. Watch me while I'm painting her. I, they hate to see me on the stage, Jay-Z, Kanye with me. You know I, tip is scary. Mercy, Berku, and Perry. Parley, Booth, I say Minaj, trois, today. I say I, I'm at the park. Maybach, chauffeur, I ain't got the paw. So raw, so official, dog. Them lane can't do nothing with you, dog. She all on me, better get your brawl. Don't like that, blow your whistle, dog. No referee, throw no flag, ain't no text for me. I keep your suckers on set for me. The racks back on day, you been for me. I think I'm Big Meech, Larry Hoover. DJ CK, pull le poisson dans la maison. Ricky Rose. Eh ouais, les amis. On envoie, mon gars, c'est comme ça qu'on va faire un best on est ça, nigga. Catch up, nigga, catch up, nigga. I think I'm Big Meech, Larry Hoover. Whipping work. Hallelujah. One nation, I'm the God. Real niggas getting money from the fucking start. I think I'm Big Meech, Larry Hoover, getting work. Hallelujah, one nation, under God. Real niggas getting money from the fucking start. My Rolls Royce triple black, I'm Geechee Howe. Ballin' in the club, bottles like I'm Meechee Howe. Rosé, that's my nickname. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, DJ CK, dis-leur c'est quoi les bails, mon gars. La suite, on part en direction de la Guada Madinina, mon gars. On va envoyer la sauce. C'est des pseudo bitch. On a vu, on t'a dit, mais tu fais le sourd. On a kické ta hell, on se contre-fiche. Sakaba Djokovic. J'ai putain, j'ai plus les minutes. Plus de yaya, plus de bénéf. J'en profiterai pour vendre la dope quand j'ai fait le hit. Débrouillard, des indépendants. L'argent du tafou du bed. Avant, après ou même pendant. Je resterai un mec du bendo. Préfère un poteau qui est pas du tout tel. Quelqu'un qui fait dug et qui place ses couilles. Kounya mamao. Quand tu brûles tes cartouches, il n'y a plus de douille. Les carottes sont cuites, tu es négro, ça sent le rôti. Quand on sent, on dégoûte comme une vieille chaga qui fouette de la poussière. 9-2-9-0 gang, c'est le code, puis viens pas foutre ton pied dans ma tête. Que des haineux, on perd pas tête à tête, et même si on doit perdre notre guise. Négro, négro, négro, je suis dans le bloc, dans le fraiseau. Je vois la goutte douce, le refrain court. Je fais tout grave comme un locosso. Je fais tout ce fort qui se plie dans le cours. La gestuelle et ma carbobiche. Un peu comme Razou et Mendes. Euro dollar, euro dollar, euro dollar. 971, 972. Quand ta carrière en est marre, filme un grand matin ou clair. Tu connais la puce, les bars. Tu prends un dessus pour les bars. Salut à tous, c'est Sayona. Salut à tous, c'est Sayona. Salut à tous, c'est Sayona. Salut à tous, c'est Sayona. Je déploie mes ailes comme un char. C'est qu'à ramener la cité de Dieu dans la 25ème ce soir. On va les terroriser. Charlie Hebdo fera la chronique. Charlie. Le dentiste a capté les bails. Ce fils de Bouka va appeler justice. C'est bien si le brolique est vrai, mais à quoi bon sert si les couilles sont factices. J'suis dans le dur, c'est sûr. Depuis l'époque du mur, on vend la pure. À quoi la violence? Oh my god, j'dois faire une cure. J'ai charbonné, personne m'a rien donné. Je ne sais pas chanter, je sais que fredonner. Toi qui t'as parlé, mais qui t'as klaxonné. Ça fait comme Charles, toi personne te connaît. Euro, dollar, on veut du luxe. J'm'en fous de lui, il a pas d'argent. Ça sent le poisson. Dégage de là et sort du lit. Et sort du lit, sans mettre du savon. Et sort du lit, sans mettre du savon. Et sort du lit, sans mettre du savon. Et sort du lit, sans mettre du savon. Et sort du lit, sans mettre du savon. Et sort du lit, sans mettre du savon. Et sort du lit, sans mettre du savon. Et sort du lit, sans mettre du savon. Vim pra ficar, segue, dá confere. Sou o que o povo prefere. Meu estilo é o que difere. Totalmente livre e leve. Há mais do tempo que febre. A batida me causa febre. Aquecida, nada interfere. Me preparo pra embarcar. Eu vou levar pra qualquer lugar. Tudo que aprendi quero aproveitar. Sem desistir, sem medo de errar. Ganhando excesso sem pensar. Se se identifique, então se posicione. Quem é real não se esconde. Eu sei se som bem alto e se emocione. Eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto se emocione. Eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto se emocione. Cultura de gatos, gírias, muita gente como eu. A criança é vitamina, foi Deus que me ofereceu. Mandez pas dehors, le peigne t'es méchant, méchant. Yo dis que yo t'es mon frère, yo tombé si, yo n'a pas dit nous c'est chaud, c'est chaud. Tous les veillards d'un prévu, les nous qu'à lever, c'est pour nous faire gros l'argent, l'argent. Pas vite parler de troupes, si ou pas qu'à faire chiffre, si y'a nous pas au champ, au champ. Ici y'a nous pas au champ, au champ. Ici y'a nous pas au champ, au champ. Ici y'a nous pas au champ, au champ. Ici y'a nous pas au champ, au champ. Pas vite parler de troupes, si ou pas qu'à faire chiffre, si y'a nous pas au champ, au champ. Ici y'a nous pas au champ, au champ. Ici y'a nous pas au champ, au champ. Le gros bizarre, ou qu'à mettre des jeans serrés, ou l'idée penchant, penchant. Ou pas qu'à marcher de tout. Dérivé négo, c'est vous qui flashant flashant. Moi qui parle bas madame, ou il y a des gammes, c'est un bout qui touchant touchant. Il dit me comment douce, donnez-moi à gars, les chants, les chants. Et puis m'enlever moi, pas des fois dans mathématiques, ça t'est un genre, genre. T'es un bidisan, intelligent, pas j'aime braquer au chant, rien dans musique, moi dans chant, et qui dégosse au gosson. Pour résumer, moi pour ce moto, mon ouvert comme la compte en bolo. Maintenant, il y a bon moto, moto, sans permis, il y a dans l'auto, l'auto. Il savait que d'autres l'auto, l'auto. Il savait que d'autres l'auto. Shout out, Migo, shout out, Versace, Versace, Medusa head on me like I'm Numinati. This is a gated community, please get the fuck off the property. That must be changing cause I'm at the top and there's no one on top of me. Niggas be wanting a verse, but man, that's not a squad to me. Grinding in compliments, pulled in the backyard that look like Metropolis. I think I'm selling a million for sweet man, I guess I'm an optimist. Born in Toronto, but sometimes I feel like Atlanta adopted us. What the fuck is you talking about? Saw this shit coming like I had binoculars, boy. Versace, Versace, we stay at the mansion when we in Miami. The pillows, Versace, the sheets of Versace, I just wanna grab it. I'm in so quiet, I had a world like, what the fuck is he doing? Just make sure that you say that I never play, cause that shit brrrr. Oh, nigga, told it, hoes, you got hoes. Brrrr. Nigga, told it, hoes, you got hoes. Zito, les gars, buzz, Cayenne, City, Oops, c'est love. Ça fait ce qu'il nous fera, bluff, nous gars, ho. Les gars, dans les hoes, nous gars, ho. Les gars, dans les hoes, nous gars, ho. Zito, les gars, buzz, Cayenne, City, Oops, c'est love. Ça fait ce qu'il nous fera, bluff, nous gars, ho. Musique, Cali, riches, money, tout mec, négro, valide. Check to phone, voilà, mis sous Pascaline. T'en verras suivant, sans rien, si mon zèle maligne. Pas la peine poser, gaspiller ton salive. T'aurais mieux t'échapper, préparer ton valise. Gonzi, les drinks, ton moyen, pour moyen. Mais les gros tirs au calibre. Les fuck ton son, connaître ton story. M'aurais fait ton mal et mon pari même sorry. Check ton vide et mon pari même poli. Sans jaquette, nous reprenions mode torride. Pussy shift, m'aura failli tout de suite. Sur le périph', en mode course poursuite.